Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missika. Huitième émission. Vendredi 3 août 1945, 11e audience, 13h30. Jamais la salle d'audience depuis le début du procès n'a contenu une pareille foule. Les tribunes, les bancs de la presse et ceux des témoins sont bondés. Les photographes se bousculent dans l'espace qui leur est réservé. Pétain s'installe le premier. Faites entrer le témoin. Entre Pierre Laval. Le silence se fait. Trois gendarmes le suivent. Amaigri, les traits tirés, le dos voûté, il passe devant le maréchal sans sembler le reconnaître. Le maréchal l'évite du regard. Je ne vous fais pas prêter serment. Je ne vous entends qu'à titre de renseignement, et j'entends du reste, ne pas vous poser de questions qui puissent être considérées comme étant un interrogatoire anticipé d'un prévenu ou d'un accusé. Je vous entends pour que vous nous donniez des éclaircissements sur la politique qui a été pratiquée par le maréchal Pétain avec un gouvernement que vous présidiez. Je vais procéder par questions et je vais vous demander de ne pas faire de diversion. Vous êtes assez familiarisé avec les assemblées pour comprendre ce que je veux vous dire en disant pas de diversion. Je vais vous poser des questions que je vais m'efforcer de rendre précises et auxquelles je vous demande de répondre brièvement, mais de façon suffisamment complète pour que la lumière puisse jaillir de ce que vous allez nous dire. Ma première question est la suivante. À quelle date ont commencé vos relations politiques avec le maréchal Pétain? Je ne pourrais pas préciser exactement la date, mais j'imagine que ce doit être vers la fin de 1936. N'est-ce pas au moment du ministère du 6 février 1934, plutôt? C'est-à-dire oui. 1934. J'avais été ministre dans le cabinet de M. Doumergue avec le maréchal Pétain qui était ministre de la guerre. J'étais ministre des colonies. Sur un ton naturel, Laval raconte qu'à cette époque, il se préoccupe en priorité d'un accord à réaliser avec l'Italie qui se plaignait d'avoir été mal considéré par le traité de Versailles. Il s'est employé à donner des conseils de modération à l'Italie en conseillant à Mussolini de ne pas accomplir d'actes de force et d'imiter le maréchal Lyautey. Laval parle longuement et évoque de lointains souvenirs. Je m'excuse de vous interrompre, mais vous ne répondez pas à la question posée. L'origine de vos relations avec le maréchal Pétain. Je vais vous l'expliquer, je vais y arriver très vite. Laval reprend sa déposition et continue à parler de Mussolini avec révérence. Une deuxième fois, le président le rappelle à l'ordre. Je vous interromps encore une fois, c'est le procès Pétain que nous sommes en train de juger. Je ne sais pas ce qui a été dit au procès Pétain parce que je n'étais pas là. Je n'ai pas de journaux et je ne sais strictement rien. Je vous ai posé une question précise. Je vous ai demandé de quand dataient vos relations avec le maréchal Pétain. Je m'excuse d'avoir été trop long. Si les choses que j'ai dites ne sont pas importantes et n'intéressent pas le public, je m'en excuse. Je suis convaincu qu'elles intéressent le public. Elles intéressent en tout cas les Français. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Je dis qu'elles intéressent les autres Français. Je n'ai pas l'habitude de tenir des propos insolents. Ça n'est ni dans mon caractère, ni dans mes intentions. Voilà ma réponse. Je pensais que le maréchal, qui jouissait d'un grand prestige, pourrait opérer le redressement de notre situation à l'extérieur. Il ne s'agissait pas de rompre avec l'Angleterre ou avec les Soviets. Il s'agissait au contraire de renforcer notre position internationale sur tous les plans. Voilà l'idée maîtresse qui m'a conduit. C'était mon droit. J'étais parlementaire, j'ai souvent été ministre, souvent chef de gouvernement. J'avais, comme chacun de vous, le souci de tout faire, de tout tenter pour empêcher le pire. Et je me disais qu'un homme comme le maréchal pourrait peut-être, par son autorité, remettre de l'ordre dans nos affaires extérieures. Ce qui m'avait intéressé, c'est que le maréchal m'avait semblé disposé, si l'occasion lui en était offerte, à accepter le pouvoir. Je crois que j'ai ainsi répondu à votre question, et je m'excuse encore une fois d'avoir été trop long. Mais je vous affirme qu'il est très difficile de résumer certains faits. Vous acceptiez. Le maréchal acceptait de changer de camp. Mais nous ne changions pas de camp. Nous n'avions plus de camp. L'armistice était signé. Vous êtes un juriste. Vous savez que l'armistice est une suspension d'armes. Ce n'est pas la paix. Je le sais. L'armistice était signé. Je sais bien que ce que je dis peut choquer ou blesser. Mais je voudrais tout de même qu'on juge avec l'impression, non pas du mois d'août 1945, mais du mois d'octobre 1940. L'intérêt de la France, à ce moment-là, eût été d'évidence de trouver avec l'Allemagne une formule qui nous fasse échapper aux conséquences de la défaite. Qu'est-ce que nous désirions ? Qu'est-ce que je voulais ? Qu'est-ce que voulait le maréchal ? Ne pas perdre un mètre carré de notre territoire. Pouvions-nous le prétendre ? Oui, monsieur le Président, parce que l'Allemagne était impuissante à faire l'Europe sans le concours actif de la France. Si l'Allemagne avait voulu faire une Europe et molester la France, écraser la France, la résistance se serait organisée à ce moment dans tous les pays d'Europe, parce que l'Allemagne était incapable d'avoir une hégémonie sur l'Europe. Le prestige de la France en Europe centrale, en Europe orientale, partout, me faisait croire, à moi, que la politique que je faisais n'était pas dangereuse, car j'étais sûr que le jour où l'Allemagne aurait mis bas les armes, la France retrouverait sa place. Voilà la position que j'ai prise, et voilà pourquoi je l'ai prise. Dans cette période-là, vous aviez envisagé de faire une politique de collaboration avec l'Allemagne, considérant que c'était la seule politique qui permit à la France de jouer son jeu. Qui permit à la France de ne pas être meurtrie. Il s'agissait du début de l'occupation. Nous sommes en octobre 1940. Et il faut situer un fait au moment où il s'est passé. Plus tard, il y a eu d'autres choses. Pénibles, dures, c'est entendu. Je m'en expliquerai le moment venu. Mais je parle d'octobre 1940. L'audition de Laval se poursuit. À la question « Qui est responsable du coup d'État du 10 juillet 1940 ?», Laval nie en être l'auteur. Pourtant, quand il fait signer par Pétain des actes constitutionnels, il rencontre M. de la Pommeraye, secrétaire général du Sénat, et lui dit « Et voilà comment on renverse la République. À la suite de cette déclaration, le président fait savoir que, sur demande des jurés, l'audition de Pierre Laval sera interrompue pour qu'il puisse être confronté avec M. de la Pommeraye, secrétaire général du Sénat. Messieurs, messieurs, silence! L'audience est reprise. Monsieur de la Pommeraye, à vous. Tout ce que je peux dire, c'est ceci. Le jour de la réunion de l'Assemblée nationale, le soir à 9h, dans le hall de l'hôtel Majestic, je suis allé faire signer par Monsieur le Président Jeannet des actes relatifs à la délibération de l'Assemblée nationale. Je les ai rapportés, Monsieur Laval les a pris. Je me suis assis à une table du hall du Majestic et Monsieur Laval est revenu quelques instants après avoir fait signer par le maréchal les actes en question. Il ne lui a pas fait d'observation. De quels actes parlez-vous ? Je parle des trois actes constitutionnels que vous avez fait signer par le maréchal devant moi. Puis vous m'avez dit « Et voilà comment on renverse la République. » Oh oh. Je parle sous la foi du serment, voilà tout. Eh bien, monsieur le président, j'ai entendu monsieur de la Pommeraye. Je ne veux pas contester son dire puisqu'il prétend l'avoir entendu. Je n'ai aucun souvenir d'avoir tenu ce propos, qui constituerait une plaisanterie de mauvais goût si je l'ai tenu. Je maintiens tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Les lois constitutionnelles visaient essentiellement le mot « république ». La loi n'avait pas d'autre objet que de donner au maréchal et au gouvernement le pouvoir constituant. Les actes constitutionnels dont parle M. de la Pommeraye n'ont pas été préparés ni rédigés par moi. Les actes constitutionnels, si je les ai soumis à la signature, c'est parce qu'on me les a donnés. Je tiens à protester contre l'interprétation qu'un mauvais propos donne M. de la Pommeraye. Renverser la République. Je ne suis pas fasciste. Je ne suis pas nazi. Monsieur de la Pommeraye a rapporté un propos. Le démentez-vous. J'aime la liberté, la République. Vous pouvez rire, la République. Je ne vous demande pas si vous aimez la République. Je vous demande si le propos a été tenu. Je n'en sais rien. Il m'est impossible, à 4 ans de distance, de m'en souvenir. Monsieur de la Pommeraye n'avait pas avec moi des relations particulièrement agréables. Je maintiens. Était-ce une plaisanterie de mauvais goût envers Monsieur de la Pommeraye, avec qui je n'entretenais pas de bon rapport? Je n'en sais rien. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais du moment qu'il parle sous la foi du serment, je ne peux pas le contredire. Mais il y a autre chose que je veux dire devant la Cour, parce qu'elle est dans mon cœur et qu'elle exprime ma véritable pensée. Je n'ai jamais conçu, pour mon pays, un autre régime que la République. Je ne conçois pas un autre régime pour mon pays que le régime républicain. Si pendant une période de malheur, nous avons dû priver les Français de leur liberté sous la contrainte de l'occupation, et si nous avons dû subir des humiliations, à plus forte raison, j'aime le régime qui nous donnait ses libertés et j'aborde ceux qui nous les enlèvent. Comment avez-vous été amené à l'idée de l'entrevue de Montoir ? L'avez-vous préparé ? En avez-vous parlé au maréchal ? Quelle a été la réaction du maréchal ? Comment le maréchal s'est-il décidé à aller à Montoir? Il est bien fâcheux, monsieur le président, qu'on ne donne pas à un témoin de mon importance, étant donné les déclarations que j'ai à faire, les moyens de les faire complètes. J'ai répété que j'avais des documents qui m'auraient permis d'étayer mes souvenirs. Laval détaille les conditions matérielles de la rencontre entre Pétain et Hitler. Le maréchal y est-il allé de son plein gré ? De son plein gré. Je ne l'ai pas emmené de force. Il y est allé sans aucune hésitation. Comment le maréchal a-t-il pu dire « J'entre dans l'honneur, dans la voie de la collaboration ?» C'était pour le moins la préface, le préambule d'un renversement des alliances. Monsieur le Président, comment osez-vous parler d'un renversement des alliances quand nous sommes au mois d'octobre 1940 ? Je voudrais que chacun mette les pieds sur la terre solide. Au mois d'octobre 1940, où était l'Angleterre ? L'Amérique n'était pas entrée dans la guerre. Les Russes étaient aux côtés des Allemands. Croyez-vous qu'en 1940, un homme de bon sens pouvait imaginer autre chose que la victoire de l'Allemagne ? En octobre 1940, je vous dis. J'entends bien. Je m'excuse si je dis quelque chose qui vous blesse. Je parle avec les faits du moment. Laval donne de longues explications sur la genèse d'une phrase prononcée le 22 juin 1942 et rédigée ainsi par lui dans une première mouture. « Je crois à la victoire de l'Allemagne et je la souhaite parce que... » etc. Puis, modifié après un conciliabule entre Rocha, secrétaire général des Affaires étrangères, et Pétain. Il l'assume pleinement. « Je suis né à Châteldon, dans un petit village d'Auvergne. J'aime ma terre. J'ai les pieds dans la terre de mon pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'aime que mon pays. Comment voulez-vous que je souhaite autre chose que le bonheur de mon pays ? Je vous remercie. Monsieur l'huissier, veuillez emmener le témoin. En se retirant, Laval, encadré de deux gendarmes armés de mitraillettes, s'incline légèrement devant le maréchal et le salue en lui souriant. Il quitte la salle d'audience. Je voudrais demander au maréchal Pétain, s'il veut répondre, quelle réaction il a eue devant cette phrase. J'ai eu une réaction très violente quand j'ai entendu, dans le discours, cette phrase de M. Laval. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Il a dit tout à l'heure qu'il était venu me trouver avec M. Rocha, qui représentait le ministre des Affaires étrangères, pour me montrer cette phrase. Eh bien, jamais M. Rocha n'aurait accepté de maintenir cette phrase. Et j'étais d'accord avec lui. Et puis, alors, quand je l'ai entendu à la radio, je croyais que c'était fait, qu'il avait arrangé l'affaire. Quand j'ai entendu que cette phrase était répétée à la radio, j'ai bondi. Je ne me suis pas rendu compte. Je croyais que c'était supprimé. Et je suis navré qu'elle soit restée. Est-ce qu'on sait où est M. Rocha ? Sur les bancs de la défense, on s'exclame. Il est en Suisse ! Nous avons demandé son audition, elle nous a été refusée. On nous a refusé de le faire venir. L'audience est suspendue jusqu'à demain, samedi 4 août. Nous continuerons à entendre M. Pierre Laval. Thank you. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missika. 8e émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledose. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Le Denbach. Maître Isorni, Laurent Cléry. Pierre Laval, Olivier Clavery. De la Pommeraye, Jean-François Perrier. Juré Jean-Pierre Bloch, Thibaut de Montalembert. Narration, Hélène Losseur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.